À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie, Choi Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, s'est entretenu le 13 avec un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit comme ce qui suit. Le 15 août est le jour historique où est sauvé le destin du pays et de la nation de la domination coloniale des impérialistes japonais et ouverte une phase nouvelle de la prospérité nationale. Aujourd'hui, où sont manifestés dans le monde entier la dignité et l'honneur de la nation du soleil, toute la nation coréenne ressent vivement la grandeur des exploits de libération de la patrie du président Kim Il-sung, bienfaiteur de la résurrection nationale et patriote sans égale. Les exploits du président accomplis pour la libération de la patrie brillent de génération en génération grâce au maréchal Kim Jong-un.